à ton étoile. À ton étoile. À ton étoile. La stella destra conosco il cammino, perché è solo una cometa, un sogno morto bambino, ed è un pensiero fatto aborto, non chiamatelo assassino, non ne resta che un ricordo tra le stelle del mattino, una moneta per occhio, un metro di terra sotto al cielo, senza sentire caldo e gelo, che strana sorte, eppure non riesco a scordare la tua stella della morte, non mi riesco ad accordare con le note, e vado oltre, non mi posso accodare, cerco un sentiero più cosciente, niente di spirituale, ma dare il cuore per riavere una mente, perché se mi vuoi accostare fallo col niente, visto che so quanto può costare dare il futuro al presente. Non ho problemi d'udito, è dentro quello che non ci sente, ma se quel dito più appuntito e tagliente mena alla luna un fendente, trafiggi le stelle, collezionale come farfalle, ti porteranno bene, a quel punto saprò lasciarle. A ton étoile, la mienne a fini de briller, e la trouvé sa liberté, inutile de la chercher, seul je suis resté avec les souvenirs de sa beauté, mais quelque chose en moi a vraiment changé. À ton étoile, la mienne a fini de briller, elle a trouvé sa liberté, inutile de la chercher, seul je suis resté, avec les sourires de sa beauté, mais quelque chose en moi a vraiment changé. L'étoile brille comme un diamant sur un doigt hautain blond de sel qui aurait dû être mon âme jumelle. Quand je lève la tête, mon esprit se perd dans l'éternel. Pas de crise existentielle, les regrets se déforment avec les séquelles. Mais je suis naïf et je crois que la vie est belle. Infidèle l'amour qui nous harcèle, je voulais lune de miel. J'ai que des sentiments cruels, avec ses émotions tout fondent. Je parle, t'es une étoile filante qui voyage comme une caravelle vers un nouveau monde. Le trajet me ramène à quelque chose de plus matériel. Mon écran et ses pixels, là les étoiles pour briller, mais ne connaissent aucune liberté. Éphémère leur destinée, destinée à disparaître au loin pour être oublié. Sur les marches d'un trottoir, il n'y a que la mémoire qui rappelle à l'histoire le contenu de ces pages jaunies par le temps et le désespoir. Une pensée pour un milliard, une étoile pour l'univers, une distance infime les sépare. J'écoute mon cœur, je déplie les ailes comme Icar pour les voir de plus près, sentir leur chaleur. Mais j'ai peur, je préfère garder les pieds à terre. Esprit garé, je comprends mes secrets, l'étoile polaire, sa luminosité, mais que dans ses lumière, je regarde une dernière fois la terre avant de tourner le dos et partir dans l'infini de l'univers. La tua stella cadente, agli occhi di chi è sul fondo teme si possa ancora scendere, e non le resta che offrire l'anima al miglior offerente, l'ennesima speranza di un miglio più verde. Il mio cuore non incassa più i colpi che prende, i colpi che perde sono colpi senza vita lasciati alla corrente. Cerco la tua stella ma il buio mi soffoca, e continuo a infliggere aghi alla mia bambola di stoffa. A ton étoile, la mienne a fini de briller, e l'ha trouvé sa liberté, inutile de la chercher, seul je suis resté, avec les souvenirs de sa beauté, mais quelque chose en moi a vraiment changé. À ton étoile, la mienne a fini de briller, elle a trouvé sa liberté, inutile de la chercher, seul je suis resté, avec des souvenirs de sa beauté, mais quelque chose en moi a vraiment changé.